بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va essayer de finir cet écrit concis et profitable de l'imam Ahmed rahimahullah, les fondements de la sunnah, les fondements de l'islam, les fondements du groupe sauvé, les gens de la sunnah et du groupe. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, nous parle d'un point essentiel chez les gens de la sunna. Ce point essentiel qu'il y a chez les gens de la sunna, c'est que ceux-ci, pour comprendre les textes du Coran et de la sunna, ils reviennent vers les gens de science. Ils reviennent vers les premières générations, ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait leur éloge. Lorsqu'il dit « Khayrun nasi qarni », les meilleurs des gens sont ceux de ma génération. « Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum » Puis ceux qui les suivent et puis ceux qui les suivent. Et donc les meilleurs des générations sont les premières, ce sont ceux qui ont le mieux compris le Coran et la Sunna. Et la première des générations est celle dont il nous est obligatoire de les suivre, la génération des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Et donc l'imam Ahmed rahimahullah ici va nous montrer quelques points importants et quelques sujets dont certains groupes ont dévié par le fait qu'ils ne se sont pas basés sur l'explication des savants. Ils ne sont pas revenus chez les savants, mais ils ont regardé leurs propres interprétations entre eux. Il nous dit l'imam Ahmed, وَالنِّفَاقُ هُوَ الْكُفْرُ L'hypocrisie, c'est la mécréance. أَنْ يَكْفُرَ بِاللَّهِ وَيَعْبُدَ غَيْرَهُ وَيُظْهِرَ الْإِسْلَامَ فِي الْعَلَانِيَّةِ مِثْلُ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et donc l'hypocrisie, c'est la mécréance. C'est le fait que la personne mécroit en Allah et adore autre que lui. Et ensuite, et la personne va montrer, yudhir, la personne va montrer l'islam, la soumission. Elle montre qu'elle accepte l'islam ouvertement. Et donc cette personne-là, elle ne croit pas en Allah, elle adore autre qu'Allah. Mais ouvertement, publiquement, elle montre l'islam. De la même manière que le faisaient les hypocrites à l'époque, lorsqu'ils étaient donc à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit l'imam Ahmed rahimahullah. Et donc l'imam Ahmed ici, barakallahu fikoum, il nous parle de l'hypocrisie. L'hypocrisie, les savants, ils nous disent, c'est le fait de cacher la mécréance et de montrer l'islam. Une personne, par exemple, qui... pour une raison quelconque, ça peut être pour de l'argent ou pour une autre raison, elle va montrer, faire croire qu'elle est musulmane, mais en réalité, elle ne l'est pas. Ce sujet n'est pas un sujet qui n'existait qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un sujet qui persiste et qui continue encore. On a aussi un autre sujet qui est lié à celui-là. On a, par exemple, le sujet du zindiq. Zindiq, les savants ils nous disent, ça va être que celui... Ce terme est souvent utilisé pour celui qui montre l'islam ouvertement et qui en même temps ouvertement va aussi montrer l'incroyance. Il va montrer l'islam, il montre qu'il est musulman ouvertement devant tout le monde, mais aussi ouvertement devant tout le monde, il va montrer donc l'incroyance, le fait de prononcer des paroles donc qui font l'individu sortir de l'islam, etc. Et le fait qu'il appelle à cela. Et donc ici, l'imam Ahmed, rahimahullah, il aborde le sujet de l'hypocrisie majeure. Parce que l'hypocrisie se divise en deux. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'hypocrisie se divise en deux. Nous avons cette hypocrisie que nous venons de voir, qui est l'hypocrisie majeure. Le fait de montrer l'islam et de cacher la mécréance. Concernant l'hypocrisie mineure, il nous dit l'imam Ahmed tout de suite après, وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ثلاث من كنا فيه فهو منافق هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. Et donc il nous cite ainsi que la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Trois caractéristiques lorsqu'elles sont réunies chez quelqu'un alors celui-ci est un hypocrite. Et donc il nous dit l'imam Ahmed rahimahullah, ceci donc est ce hadith et les hadiths qui vont dans ce même sens, ce sont des hadiths qui vont montrer la dureté envers les personnes qui ont ces caractéristiques qui sont citées. Il dit l'imam Ahmed, nous rapportons ces hadiths comme ils ont été rapportés. Nous les citons de la même manière qu'ils ont été rapportés et nous ne les expliquons pas. Tayyib. Et donc c'est maintenant qu'on va voir le sujet donc concernant les deux formes d'hypocrisie. Alors, premièrement, quelles sont ces trois caractéristiques qui sont citées ici dans ce hadith? Il y a plusieurs narrations, barakallahu fikum. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ayatul munafiqi thalath » Les caractéristiques des hypocrites sont de trois. « Iza haddasa kadab » Lorsqu'il parle, il ment. « Wa iza wa'ada akhlaf » Lorsqu'il promet, il ne respecte pas sa promesse. « Wa iza tumina khan » Et lorsque, donc, on lui confie un dépôt, il trahit. Dans une autre narration, il a été cité qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Wa iza ahada ghadar » Lorsqu'il prend un engagement, il le trahit. « Wa iza khasam fajar » Dans une autre narration, et lorsqu'il a un conflit, alors il transgresse. Est-ce que ici, barakallahu fikoum, si on voit une personne qui ment, on va dire que c'est un hypocrite. Ah, c'est un hypocrite, il n'est pas musulman. Innal munafiquina fid darkil asfali minan nar, comme dans le verset, certes les hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer. Non. On ne dit pas cela. Les savants n'ont pas dit cela. Et c'est là que l'imam Ahmed rahimahullah, il nous montre qu'il est important de revenir vers les savants pour comprendre les textes. Ici, on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les signes de l'hypocrisie sont de trois. Et il a cité les signes. Est-ce que toute personne qui a ces trois signes-là, est-ce qu'il est voulu par là que c'est un hypocrite et donc qu'il n'est pas musulman? Non, ce n'est pas ce qui est voulu. Ce qui est voulu, barakallahu fikoum, c'est que ces caractéristiques-là, ce sont des caractéristiques lourdes, graves, ce sont des caractéristiques de l'hypocrite, comme il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a ces caractéristiques-là, il aura en lui ce qu'on appelle l'hypocrisie majeure. L'hypocrisie mineure. On fait donc la distinction entre l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. L'hypocrisie majeure, cette personne-là n'est pas musulmane. L'hypocrisie mineure, c'est un musulman qui est dans une situation lourde et difficile par rapport à ses péchés. Et pourquoi est-ce que cela va être lié à l'hypocrisie, barakallahu fikoum? Les savants, ils nous disent, en fait, ces caractéristiques-là ont toutes un lien avec l'hypocrisie. « Wa iza haddasa kadhab » Lorsqu'il parle, il ment. Ça veut dire qu'il montre quelque chose qui n'est pas vrai, comme l'hypocrite. De la même manière que l'hypocrite, il montre l'islam alors qu'il n'est pas musulman. Et donc ici, il y a un lien entre les deux. Voilà pourquoi cette caractéristique est une caractéristique de l'hypocrite. Et lorsqu'il promet, il ne respecte pas sa promesse. Et donc cette personne-là qui va promettre, mais en ayant l'intention, déjà lorsqu'elle promet, elle a l'intention de ne pas respecter sa promesse. Ceci aussi est une ressemblance à l'hypocrite, qui va nous montrer « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah » Et donc il montre qu'il va donc se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala, suivre les prescriptions de l'islam, alors qu'il a déjà l'intention de ne pas respecter cela. Et donc ici, ça, là aussi, cette personne va avoir une ressemblance à l'hypocrite. Mais est-ce que cette personne-là est hypocrite? Non. Nous devons faire attention. Est-ce que c'est de l'hypocrisie majeure? Non. Et donc il faut faire très attention à cela, très attention à comprendre les textes de la même manière que les gens de science. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Parfois, subhanallah, je vois que des personnes se lancent dans des cours de tafsir, des cours d'exégèse alors qu'ils n'ont pas étudié. Et parfois, les gens pensent qu'ils peuvent lire le dans le tafsir d'Ibn Kathir et se lancer dans des explications comme cela. Non, doucement. Il faut revenir vers les gens de science. Ceci est un sujet très lourd. Les groupes qui se sont égarés dans ce sujet ont utilisé des preuves. Ils ont utilisé des preuves. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, qu'est-ce qui t'assure, toi, que tu ne vas pas t'égarer lorsque tu vas utiliser une preuve aussi ? La parole d'Allah ou la parole du prophète ? Et donc, il est important, barakallahu fikoum, de comprendre les textes correctement. Ensuite, l'auteur qui continue, rahimahullah, l'imam Ahmed. Et là, maintenant, il va passer à un autre sujet. Donc, on a vu que l'hypocrisie se divise en deux. Et bien, maintenant, il va nous montrer aussi, l'imam Ahmed, rahimahullah, que la mécréance aussi se divise en deux. On a la mécréance majeure et la mécréance mineur. Il nous dit, rahimahullah, wa qawluhu, et sa parole, c'est-à-dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Après ma mort, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, après ma mort, ne soyez pas des incroyants, ne soyez pas des mécréants, égarés en vous tuant les uns les autres. Et donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde contre le meurtre. Et ceci est une lourde mise en garde. Il nous dit, ne soyez pas des mécréants après ma mort. Après moi, ne soyez pas des mécréants. De telle sorte que vous vous tuez mutuellement. Et donc, est-ce que celui qui tue un musulman, est-ce que celui-ci, il n'est plus musulman ? Voilà la question. Certains groupes, certaines sectes ont utilisé ce genre de preuves pour dire que la personne, lorsqu'elle fait un grand péché, elle sort de l'islam. Puisque le prophète, il a dit ça, il a dit, ne soyez pas des incroyants après ma mort. Ensuite, l'imam Ahmed qui nous cite un autre texte, « وَمِثْلُ إِذَا الْتَقَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ » Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, lorsque les deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, donc deux musulmans qui se battent, avec leurs épées, le tueur et le tué, les deux sont en enfer. Les deux sont dans le feu. Et donc certains ont vu ces textes-là, ils ont dit, et donc le fait de tuer fait sortir de l'islam. Le meurtre fait sortir de l'islam. Encore un autre hadith qui nous cite l'imam Ahmed, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun » Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'insulter le musulman, ceci est de la grande transgression, et le fait de le tuer, ceci est de la mécréance. Un autre hadith encore, il nous cite l'imam Ahmed, Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Celui qui dit à son frère, oh mécréant, alors l'un des deux sera concerné par cette accusation. Tayyib. Et donc ici, dans ce dernier hadith que nous montre l'imam Ahmed, rahimahullah, il nous montre qu'on ne doit pas se précipiter. C'est pas parce que tu vois quelqu'un faire un péché que ça veut dire que tu vas te précipiter à dire que cette personne est sortie de l'islam. Celui qui dit que son frère est un incroyant, un des deux sera concerné par cette accusation. Cette accusation-là revient sur l'un des deux. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, que les gens ne se précipitent pas. Ah, un tel n'est pas musulman, c'est pas un musulman, c'est pas un musulman. Pourquoi ? Parce que je pense que, etc., etc. Et donc, on voit ici, ces quelques textes. Dans ces textes-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé le terme de la mécréance pour des péchés qui ne font pas sortir de l'islam. Des péchés qui ne font pas sortir de l'islam. Oui, ce sont des péchés. Et ce sont des péchés qui sont graves et lourds. Et l'islam met en garde contre le meurtre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, montre ici clairement que ce comportement ne convient pas aux musulmans. Mais est-ce que si un musulman tombe dans ce péché, est-ce qu'il est sorti de l'islam ? Telle est la question. Nous ne devons pas nous précipiter. Pourquoi ? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il montre que le tueur est le frère du tué. Concernant le sujet du talion, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre concernant le sujet du talion que si donc la famille du tueur, la famille de celui qui a été assassiné, ils excusent le tueur. Et donc ici, le terme qu'il a utilisé, il a dit « Ahi ». Il a utilisé le terme « son frère ». Son frère, ça veut dire qu'ils sont frères où ? Frères dans l'islam. Ils sont frères dans l'islam. Et donc, « Barakallahu fikum ». À partir du moment où il y a encore d'autres preuves qui montrent cela. Et donc, comment nous devons comprendre ces textes « Barakallahu fikum » comme « Walaykoum as-salam » comme nous l'avons cité précédemment, il y a une mécréance majeure et il y a une mécréance mineure. Comme l'a dit Ibn Abbas, il dit « Kufrun duna kufrun » une mécréance qui est en dessous d'une mécréance. Et les gens qui ont dévié dans ce sujet, les khawarij, il y a parmi les khawarij tous les groupes terroristes. On a aussi les Al-Ikhwan, les frères musulmans. Hein, les frères musulmans, eux, ils vont appliquer ça essentiellement sur les gouverneurs. Hein, dès qu'un gouverneur tombe dans un péché, ou les grands péchés des gouverneurs, ça y est, il est sorti de l'islam, il faut se rebeller contre lui, etc., etc., etc. Et donc, ici, tous ces groupes-là qui ont dévié dans ce sujet ne se sont pas basés sur les explications des savants. S'ils étaient revenus juste à la parole d'Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, qui explique ce sujet, Ibn Abbas qui dit c'est une mécréance en dessous d'une mécréance, ils auraient compris, le sujet est réglé. Mais ils ne sont pas revenus vers les gens de science. D'où l'importance, barakallahu fikum, de revenir vers les gens de science. On l'a cité donc lors de la dernière khutbah. Lors de la dernière khutbah, on a donc cité cet homme, Abu Idris al-Khawlani, qui allait dans la mosquée de Damas. Et il a vu des gens autour d'un homme. Et les gens posaient des questions à cet homme. Alors, est-ce qu'il a fait comme tout le monde ? Est-ce qu'il est allé à, vu que tout le monde pose des questions, ben moi aussi j'y vais. Comme aujourd'hui, vu que, ah oui, sur YouTube il a beaucoup de vues, eh ben je vais aller voir ses cours, je vais aller prendre sa science. Ah, il a beaucoup de suiveurs sur telle application, eh ben allons-y, bismillah, j'y vais aussi, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui le suivent. Est-ce qu'il a fait ça à Abu Idris al-Khawlani ? Non, il n'a pas fait ça. Il a demandé qui est-ce ? Qui est-ce ? Tout le monde revient vers lui, les gens lui posent des questions, il se base sur ses fatwas, et tout. Qui est-ce ? Lorsqu'on lui a dit, c'est Mu'az ibn Jabal. Ah, le compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, là, il est allé. Et donc, on doit faire attention, chers frères, ce sujet est un sujet de religion. Les gens de la sunna, ils font attention vers qui ils reviennent concernant leur religion. Nous devons préserver notre religion. Inna hadha al-amra dinun. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Certes, ce sujet est un sujet religieux. Alors faites attention de qui vous prenez votre religion. Il dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Wal jannatu wan naru makhluqatan. قد خلقت كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا. Et donc il dit l'imam Ahmed rahimahullah, le paradis et l'enfer et le feu de l'enfer sont tous les deux créés, ils ont été créés déjà, ils existent, les deux ont été créés, comme cela a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit: certes, je suis rentré dans le paradis et j'ai vu un château. Et donc, barakallahu fikoum, les gens de la sunna, ils croient fermement que le paradis et l'enfer, les deux existent. Car c'est ça qui a été cité dans les textes. Lorsqu'on regarde dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala qui parle du paradis, qui dit « U'iddat lil muttaqin » qui a été préparé pour les pieux. Et donc le paradis a été préparé, ce qui veut dire que le paradis existe déjà. « U'iddat lil kafirin » l'enfer qui a été préparé, l'enfer qui a été préparé pour les incroyants, ce qui veut dire que l'enfer existe déjà. Et donc il y a plusieurs hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le paradis, l'enfer, les châtiments des gens de l'enfer, les récompenses, il a vu des récompenses qui sont attribuées aux gens du paradis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Dekhel tout. Donc le fait de voir, certains peuvent se dire que Allah tabaraka wa ta'ala lui a montré ce qui va exister. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit clairement Dekhel tout, je suis rentré. Et donc barakallahu fikum, les textes nous montrent clairement que le paradis et l'enfer existent déjà. Et dans le hadith d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'imam Ahmed Kisi qui dit wa ra'aytul kawthar, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit j'ai vu al kawthar. Et donc les gens de la sunna, ils vont croire à al kawthar. Ils vont croire à al kawthar qui donc va être attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a vu lorsqu'il a été élevé au ciel. Et d'ailleurs, le Haoud, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est abreuvé de ce fameux Kawthar. وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا كَذَا وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا. Et donc ici l'imam Ahmed qui nous cite encore des textes qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit certes j'ai vu le paradis et j'ai vu que la plupart de ses habitants sont comme ci et comme ça, et j'ai vu l'enfer et j'ai vu que la plupart de ses habitants sont comme ci et comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a cité des caractéristiques des gens du paradis, des caractéristiques des gens de l'enfer. Et donc ici, ce hadith auquel il fait référence l'imam Ahmed, c'est un hadith qui est dans As-Sahihayn. Un hadith qui est dans As-Sahihayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ittala'tu fil jannati fara'aytu akthara ahliha al-fuqara » Allahu Akbar. Allahu Akbar. J'ai vu le paradis et j'ai vu que la plupart de ses habitants sont les pauvres. La plupart de ses habitants sont les pauvres. Et malgré ça, aujourd'hui, les gens ne cessent de se concurrencer et ne cessent de courir derrière la dunya, quitte à délaisser leurs obligations, à délaisser l'apprentissage de leur religion. On est là, occupé par cette dunya, occupé par ce bas monde, occupé à s'enrichir, alors que la majeure partie des gens du paradis sont al-fuqara, les pauvres. Il dit l'imam Ahmed rahimahullah, فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا لَمْ تُخْلَقَا فَهُوَ مُكَذِّبٌ بِالْقُرْآنِ وَأَحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا أَحْسَبُهُ يُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Et donc là, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il nous dit, et donc toute personne qui va prétendre que le paradis ou l'enfer n'ont pas encore été créés, alors cette personne-là va rejeter le Coran ainsi que les hadiths rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il dit l'imam Ahmed rahimahullah, et je ne pense pas que celui-ci croit au paradis et à l'enfer. Et donc il a rejeté un point fondamental de la croyance du paradis et de l'enfer, qui est que ces deux créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala existent déjà. Ensuite l'imam Ahmed rahimahullah, il change de sujet. Et il nous dit وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ وَلَا يُحْجَبُ عَنْهُ الْإِسْتِغْفَارِ ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. Un sujet qu'on a vu précédemment. celui parmi les gens de la Qibla. Et donc celui parmi les musulmans qui meurent en étant monothéistes. Alors cette personne-là, on va faire la prière mortuaire sur elle. Et on va implorer le pardon pour elle. On ne va pas la priver du fait d'invoquer en demandant le pardon pour cette personne. Et on ne va pas délaisser la prière mortuaire sur elle à cause d'un péché qu'elle a accompli, peu importe que ce péché soit petit ou grand. La situation de cette personne revient à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc ça, c'est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Le fait qu'il ne se précipite pas à taxer les gens de mécréants, d'incroyants, parce que les gens sont tombés dans de grands péchés. Et donc, les gens de la Sunnah sont ceux qui, en réalité, font preuve de miséricorde envers les gens. Et ça, on le voit dans toutes leurs attitudes. Dans ce sujet, barakallahu fikoum, les gens de la Sunna ne vont pas exagérer. Lorsqu'ils vont voir une personne qui accomplissait des grands péchés, les gens de la Sunna vont quand même prier sur cette personne et implorer le pardon pour celle-ci. Et sa situation revient à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne vont pas tomber dans les péchés, ils ne vont pas tomber dans l'exagération des khawarij. Les khawarij qui vont taxer cette personne d'incroyante, non, ce n'est pas un musulman, pourquoi ? Parce qu'il fumait, parce qu'il buvait, parce que si, parce que ça. Alors que les textes du Coran et de la Sunna montrent clairement que cette personne reste musulmane malgré les grands péchés qu'elle faisait. Et donc les gens de la Sunna font preuve de miséricorde. Aussi, lorsque les gens de la Sunna, barakallahu fikoum, vont adopter la dureté envers ceux qui dévient, lorsque les gens de la Sunna, barakallahu fikoum, vont mettre en garde contre certaines personnes à cause de leur déviance et du danger que ces gens-là peuvent avoir à l'encontre des musulmans, alors là aussi, les gens de la Sunna, ils le font par miséricorde. Par miséricorde pour cette personne contre qui on met en garde, et par miséricorde pour tous les autres musulmans afin qu'ils ne suivent pas cette personne. Et donc par miséricorde pour cette personne contre qui on a mis en garde. Pourquoi ? Tout simplement que là, on va chercher à diminuer les péchés de cette personne. Puisque cette personne, plus elle a de suiveurs, plus elle a de personnes qui la suivent dans cette déviance, plus elle va prendre des péchés. Et donc les gens de la Sunna, par miséricorde pour cette personne, vont mettre en garde contre elle. Et par miséricorde pour les autres, pour éviter que les autres suivent cette personne dans cette déviance, les gens de la Sunna vont aussi mettre en garde contre cette personne. Et donc ici, barakallahu fikoum, dans cet épître concis, on a vu encore quelques principes, quelques fondements des gens de la Sunna et du groupe. On a vu la croyance, barakallahu fikoum, la croyance avec laquelle nous devons mourir. La croyance avec laquelle tu dois mourir, la croyance qui mène au paradis. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma communauté se divisera en 73 groupes, tous dans le feu sauf un. Ils dirent, oh lequel, ô messager d'Allah? Donc quel est le groupe sauvé, ô messager d'Allah? Il dit, celui qui a la même pratique que moi, ainsi que mes compagnons. Man kana ala misli ma ana wa ashabi. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de mourir avec cette croyance et cette pratique, la croyance de Ahlu Sunnati wal Jama'a, la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Ici, avec ce livre, on a étudié quelques fondements, mais on n'a pas encore fini. Il y a plusieurs points qu'on doit voir encore concernant la croyance des gens de la Sunna. Et donc, on va encore aborder d'autres livres dans ce sujet, dans le sujet de la croyance, où on va encore développer un peu plus, où on va encore rentrer dans d'autres sujets que nous n'avons pas vus. On va continuer à apprendre quelle était la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle était la croyance des compagnons radiallahu anhum, quelle est la croyance qui est citée dans le Coran et la Sunna que nous devons avoir pour aller au paradis. On va continuer cela bi'idhnillahi ta'ala les semaines prochaines inshallah ta'ala avec de nouveaux cours. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.